Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Fleur au vent. Je suis Émilie et j'ai le plaisir de rencontrer chaque mois pour ce petit entretien Anne-Fleur Sarraud, directrice Wenggood. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Émilie. Tu es donc un peu notre gourou du bien-être, mais comme tout un chacun, tu dois composer avec des données variables. Alors on a beau connaître quelques méthodes et marches à suivre dans les faits, c'est parfois un peu moins évident. Dans ce podcast, tu nous partages tes sensations, tes envies, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment. Je te propose de démarrer tout de suite par notre première séquence, l'interview de l'instant présent pour connaître un peu ton état d'esprit ce matin. Très brièvement, en un ou deux mots et le plus sincèrement du monde, bien entendu. C'est parti. Ta première pensée au réveil ce matin. Allez, on y va. Tu écris quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude? Je veux retrouver l'élan de la fin de semaine dernière. Parfait. Forme mentale entre 1 et 5. Je dirais 3, c'est un lundi matin. Oh, c'est quand même pas mal. Forme physique de 1 à 5. Je dirais 3 aussi. Le Covid est passé par là, je dois me remettre. Un mot pour définir ton humeur. Alors, je ne sais pas si ça qualifie l'humeur, mais je dirais l'espoir. C'est beau. Un stress en particulier à mentionner? Oh bah, j'ai un peu de trac ce matin pour l'enregistrement de ce podcast. Ça a mis beaucoup d'ambition dans l'émission, donc j'espère être à la hauteur. Mais tu l'es déjà. Merci. Tu en penses quoi, toi, de la campagne présidentielle? Oh là là. ce mot résume pas. Oui, c'est ça. J'aimerais, je ne sais pas pourquoi, je pense que ce n'est pas possible, mais j'aimerais que ça soit un débat d'idées, de projets. Moi, je suis quelqu'un des projets plutôt qu'un combat d'hommes, enfin d'hommes au sens large. Voilà. Eh bien, donc, oh là là. Anne-Fleur présidente, ça me va. Place à présent à notre séquence Fleur au vent d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit-on. Et toi, quelles sont tes envies, tes ambitions pour le mois d'avril? Tu te laisses porter vers quoi et vers où? Ah bah moi, j'ai envie qu'on se découvre en avril, justement. j'ai envie parce que moi, je me sens mieux quand il fait plus de 15 degrés. Donc déjà, j'ai envie qu'on retrouve les températures d'il y a quelques jours et que ce dicton nous inspire, nous protège, mais qu'on fasse un peu ce qui nous plaît déjà comme en mai. J'ai envie qu'on se découvre, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de renaissance, j'ai envie que le Covid ça soit derrière nous, que les confinements aussi et qu'on renaisse un peu. Donc on se découvre en termes de vêtements et qu'on se découvre tous. Oui, c'est exactement. Ça. Ouais, c'est autant dans les. Il y a une sorte de libération, je trouve, toujours avec les températures qui remontent, parce que on est moins crispé, on est moins à réfléchir à combien de couches il faut mettre pour pas avoir trop froid, pour pas attraper froid. Et c'est un peu pareil dans la vie, voilà. Ça nous permettra d'être moins frileux. Et tu le sens comment ce mois d'avril? Moi, je le sens bien. Moi, je le sens bien parce que je sens bien 2022, même si le démarrage est moins évident que ce que j'espérais. Mais je le sens bien. C'est prometteur. Comme je dis, le printemps arrive, le soleil aussi. On reprend des moments de convivialité. Tout le monde a envie de comment dire. Un peu, tu sais, comme quand on touche le fond, on se dit qu'on peut rebondir au fond de la piscine. Là, je ne sais pas si on a touché le fond, mais je pense qu'il y a, un vrai élan et une envie de retrouver un bout de légèreté et d'en faire quelque chose d'utile. Donc, je le sens bien. Merci Anne-Fleur. Ton flower power de ce mois d'avril, tu penses avoir besoin de quoi pour y parvenir, justement? Moi, j'ai besoin de sentir j'ai besoin des autres, en fait, pour avancer. Donc, c'est un vrai, j'ai besoin de sentir la petite étoile dans les regards des uns et des autres, dans mes équipes, si je dois parler de ça, ou chez mes enfants. Mais voilà, je vais avoir besoin de sentir l'envie, de voir l'envie. Et puis si je ne la vois pas, je me poserai et j'écrirai et c'est comme ça que j'y arriverai. D'accord, très bien. Et au mois d'avril, en tout cas fin avril, tu te jetteras des fleurs si C'est très centré sur l'entreprise, mais si j'ai le sentiment qu'on a repris un peu de sens au global, qu'il y a un petit peu moins une lassitude générale qui n'est pas forcément liée au boulot, mais qui impacte le travail. J'ai le sentiment que chacun sait pourquoi il se connecte le matin et qu'il y a un peu moins le bazar du monde ambiant qui impacte tout le monde. Voilà, si je sens une énergie, si je sens un élan, si j'ai l'impression d'avoir trouvé des clés. Très bien, c'est très intéressant. En effet, c'est vrai que le contexte n'est pas évident et que parfois tout semble perdre un peu son sens, mais il y a des petites méthodes pour essayer de retrouver tout ça. Et merci Anne-Fleur de nous partager cette impression-là. Voici maintenant place à la séquence plaisir d'offrir, joie de recevoir, une minute dédiée au sujet de ton choix. Y a-t-il un sujet d'actualité ou de ton actualité, une inspiration, un enseignement du moment que tu souhaites nous partager ? C'est une question difficile parce que tout de suite, ce qui me vient, c'est que il y a déjà la vie de maman, la vie de chef d'entreprise. J'ai du mal à trouver du temps pour l'actualité, pour voir ce qui se passe dans le monde, pour me nourrir, même si chaque moment de vie est une nourriture. Là, ce qui me viendrait, c'est que ce qui me réjouit, tu vois, ces derniers jours, c'est qu'il y a deux auteurs qui me sont chers. Qui sortent un bouquin et du coup je sais que ces deux bouquins c'est des incarnations un peu justement de mes moments à moi, de moments où j'arrive à prendre du temps pour moi. Donc c'est Agnès Martin-Lugan qui sort je ne sais pas son combientième roman. Et cet auteur, je l'ai découvert entre mes deux enfants et c'était un auteur que je lisais en terrasse avec un café et qui me permettait de l'évasion. Et donc, à chaque fois qu'elle sort un nouveau roman, je me dis, ça y est, je vais avoir de nouveau de l'évasion parce que c'est le type de lecture où j'arrive, à déconnecter mon cerveau, à oublier un peu tout et à plonger dedans. Et puis, quand je l'ai fini ce livre, il y a un peu la fierté d'avoir réussi justement à prendre du temps pour moi. Donc, elle incarne un peu ça. Elle sort un nouveau bouquin, ça me réjouit. Et puis, je dure un peu plus que ce que tu m'as demandé, mais Caroline Michel, qui est une ancienne collègue. Je le lis. C'est vrai. Oui. Elle a été chez nous pendant quelques années et c'est quelqu'un qui s'est trouvé, qui a écrit déjà beaucoup de plusieurs livres et puis qui, par exemple, pendant le confinement, elle faisait un billet d'humeur qui me faisait tellement de bien. Voilà, et elle a sorti son nouveau livre avant-hier. Malheureusement, je ne l'ai pas précommandé, donc je ne l'ai pas déjà, mais il arrive normalement aujourd'hui dans ma boîte et ça me réjouit. Voilà, et si je peux partager. Entamer la lecture, je l'ai commencé ce week-end et je pense qu'en deux fois, je suis déjà pareil. Ouais. Je trouve un petit moment pour lire, mais je suis à plus de la moitié. C'est vraiment un très, très bon livre dans lequel justement l'écriture est très plaisante. On se laisse embarquer et je pense que chacune de nous peut se retrouver également, retrouver un bout de son histoire dans le livre. Je recommande également chaleureusement. Merci pour ces partages. Ouais, elle est tellement sincère et elle écrit tellement ça paraît naturel en fait. Donc ça embarque complètement. Avec la petite folie, le petit grain d'humour. Exactement, de l'humour, beaucoup. Et ça fait du bien par les temps qui courent. Ouais. Je te propose de refermer donc ce podcast par notre séquence Fleurs dans l'air du temps. Personne vivant sur cette terre n'est passé à côté de l'événement, donc la claque de Will Smith aux Oscars. Je te propose donc l'interview La Claque. Toi, quand tu es énervée, que fais-tu ? Quand je suis énervée, souvent je pleure. Parfois je crie, en fait ça dépend, à la maison je crie, à l'extérieur ça dépend de mon degré de confort, soit sont des larmes, soit des cris. Et puis après ça, je mets des mots dans ma tête, je mets des mots sur papier, je mets des mots en racontant à quelqu'un pour essayer de faire le tri entre cette émotion vive et le fond. Oui. Et puis je vais courir aussi parce que c'est des fois une façon de sortir cette colère et d'aller à l'étape d'après. Voilà. Très bien. As-tu déjà claqué la porte de chez toi en laissant les clés à l'intérieur ? Ça énerve pour le coup. Oui, c'est vrai que ça doit énerver. Je t'avoue que moi, ce qui m'énerve, c'est plutôt le contraire parce que je ne me souviens pas avoir déjà oublié les clés à l'intérieur. En revanche, je sais que je peux faire 3, 4 fois l'aller-retour avant de effectivement fermer la porte pour vérifier que j'ai bien les clés, les rechercher. Elles sont probablement dans ma poche ou dans mon sac et ça m'énerve. Ça, les clés ou le portable, ça m'énerve. C'est un grand classique. Mais alors, est-ce que tu vérifies aussi que tu as bien fermé la porte ou pas? T'es pas de ce genre-là? Non, ça va. J'ai pas, non, j'ai pas beaucoup de, je pense que j'ai pas beaucoup d'attachement au matériel à la maison, je crois. Après, ça m'est jamais arrivé. Peut-être si ça m'arrivait, non, j'ai pas de grosse angoisse là-dessus. Ok. As-tu déjà claqué la porte de quelque part? Si oui, quand et pourquoi? Ah oui, j'ai déjà claqué celle de mon bureau. Alors, ça m'arrive pas très souvent, hein, parce que je suis vraiment quelqu'un qui s'énerve plus par les larmes que par la colère exprimée, en tout cas. Mais oui, j'ai claqué, je pense, ces derniers mois plusieurs fois la porte du bureau. Pourquoi, comment, je pense que c'est une façon. J'ai un bureau, c'est un peu particulier. Moi, je suis devenue l'associée de mes boss, de mes mentors, de je sais pas comment le dire. Je suis arrivée stagiaire, quoi, et je suis devenue leur collègue. Donc, je pense qu'il y a des moments où je dois claquer la porte de notre bureau pour essayer de m'affirmer un peu comme une petite fille ou une ado qui arrive pas à le faire avec ses parents, tu vois. D'accord. Et la dernière fois que tu t'es dit, waouh, ça claque. C'est un vrai effort que de s'ancrer dans ma fierté, tu vois. Waouh, ça claque. Ah bah, j'ai cherché mes fiertés récentes. J'ai écrit un édito pour Wenggood, justement. J'étais assez fière. J'ai mis 1 heure, c'était naturel. À la terrasse d'un café. Je suis assez fière de ce qu'on fait en ce moment dans l'entreprise. Donc ça, et ça se voit parce qu'on refait un peu le design de nos interfaces. Donc ça aussi, je me dis, ça claque. Super. Si, il y a un truc. J'ai dit cette phrase justement dans un moment d'énervement. Et j'ai dit, j'ai crié, je pense, je suis sensible, je ne suis pas fragile. Et Exactement. ça claque parce que bah, ça venait vraiment de mes tripes. Et j'ai vu dans la tête sur le visage de mon interlocuteur que là, je marquais un point, pas au sens combat, mais vraiment au sens. J'ai émis une subtilité qu'il n'avait pas forcément à ce moment-là, et ça fait plusieurs fois que je la redis cette phrase et que ça résonne. Donc ouais, celle-là, je l'aime bien. Je suis sensible, je ne suis pas fragile, ça claque. Je trouve également que ça claque. Le changement d'horaire claqué ou pas? Oui, bah déjà mes enfants m'ont expliqué pendant une semaine que c'était à cause du décalage horaire qu'ils s'endormaient beaucoup plus tard. J'essayais de leur expliquer que normalement on met une journée à se remettre d'une heure de décalage horaire. Mais c'est vrai que la lumière change. Ouais, je sais. Encore une fois, je sais pas si c'est le décalage horaire ou si la fin de l'hiver, les températures qui remontent pas assez vite. Moi, ça, tout ça me fatigue. Ouais. En ce moment, tu en as ta claque de quoi? Oh bah, je vais pas être très originale, mais le Covid, j'en ai assez. Il n'y a jamais eu autant de cas que depuis que la levée de toutes les restrictions s'est faite. Je reçois, je sais pas, en ce moment, je reçois un message par tous les 2, 3 jours d'une nouvelle personne dont toute la famille est contaminée. Et donc, on se pose la question des symptômes. Et oui, il y a des symptômes, contrairement à il y a quelques semaines. J'en ai assez parce que voilà, j'aimerais bien que ça soit derrière nous. Ouais. La dernière fois que tu as croisé une tête à claque, elle t'avait fait quoi? C'est pas une question facile parce que je t'avoue que moi je cherche toujours Positif. le positif, même tu vois, une personne qui m'énerve, je vais chercher pourquoi ça m'énerve, ça va me nourrir. Je crois que oui, il y a une personne qui me vient, alors je pourrais pas être trop précise, mais je pense que quelqu'un qui est malhonnête intellectuellement et qui a fait du mal, qui a accusé, ouais, qui a fait du mal à des gens. J'aurais aimé pouvoir empêcher ça, et en même temps, bah, c'est la vie. Mais ouais, je sais pas si c'est de la méchanceté, de la malhonnêteté ou enfin, c'est probablement une personne qui est fragile. Encore une fois, moi, j'essaie toujours de comprendre et de m'en nourrir, mais je pense qu'on peut dire que c'est une tête à claque, la personne à qui je pense, ouais. En tout cas, l'injustice t'agace fortement. Ouais. Ouais, exactement. Surtout une injustice qui est dans un environnement que pas que je contrôle parce que je peux pas, mais tu vois, où j'ai l'impression que j'aurais peut-être pu l'empêcher ou tu vois l'éviter. Ça me rend dingue. Ta tête à claque du moment, peut-être une personne publique ou pas. Bon, ça, c'est pareil, c'est un peu facile, mais moi je croyais qu'on aurait plus les guerres mondiales. Je croyais que les guerres mondiales maintenant c'était des guerres façon Covid, tu vois, où la nature nous rappelle à l'ordre, mais que enfin j'y connais rien à tout ça, la géopolitique, tout ça, mais je pensais que une sorte d'équilibre de la terreur, et j'ai l'impression que non, il y a des hommes qui peuvent avoir encore un esprit conquérant qui leur a fait oublier tout. Peut-être que le risque, c'est de faire disparaître la planète, mais c'est pas grave. Donc ça me... Ouais, bonne tête à claque pour moi. Ouais. Oh oui, une grande tête à claque. Moi, j'ai l'impression aussi que ça donne l'impression que l'humanité régresse, et c'est vrai que c'est assez... Ouais, ça m'énerve. Ouais. Ça énerve. Ouais. Prendre ses clics, ses claques, ses lunettes de soleil, et quoi d'autre dans ta valise, et pour aller où? Ah bah là, immédiatement, je mets les deux livres dont je t'ai parlé tout à l'heure, parce que vraiment, ça me réjouit. Je crois que ouais, mon lieu d'évasion quand je ferme les yeux pour essayer de respirer, c'est une plage de Galets en Corse où je suis allongée, tu sais, juste au bord de l'eau avec mon bouquin. Le bonheur. Il fait chaud, j'entends l'eau, il n'y a pas d'autre bruit. Ouais, en vrai, il faut que la température soit douce, enfin douce, plutôt élevée même, que le paysage soit beau et un peu infini, et puis un bon bouquin. Tu nous emmènes ? Ah ouais, avec plaisir. Mais si vous ne faites pas de bruit. Hein. Peux-tu nous souhaiter un truc qui claque ? Donne-toi les moyens de tes envies. C'est beau. Merci Anne-Fleur. Rendez-vous le mois prochain pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et d'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration dans tous nos articles, podcasts et vidéos. Anne-Fleur, le mois du coup. Je dirais, je suis née pour être moi. On continue. Merci Anne-Fleur. À bientôt. À bientôt, Émilie. Merci.